je suis paumé. Non, mais par exemple, pour enlever les petits traits là qu'il y a sur le... Je viens de le dire là. Je viens de dire ce que je fais comme connerie. Tiens. C'est tout en anglais, on peut pas l'avoir en français, ce truc. Snapgrid, voilà, Snapgrid Enable. Snapgrid. Le Snapgrid Enable, j'arrive plus à enlever. Altitude plus G, voilà. Voilà, ça j'ai trouvé. Mais maintenant, au lieu d'avoir le... Ça s'appelle comment ça? Ah, doc transport. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Minute, seconde, bit. Bit, voilà. Ça, c'est, voilà, ça y est, c'est trouvé. Ça, ça, j'avais 30. Pourquoi ça fait 1? Et maintenant. Donc, plus qu'à retrouver les petits curseurs que j'ai pu. Voilà. Sur Ableton ça va, mais alors sur Reaper. Donc alors attends, là c'est. Oh là là là là. Putain, c'est quoi ces mesures ça? Oh, sur le petit bout de zig que tu veux. Il n'y en a plus, le petit bout de zig que j'ai enlevé. Là. J'ai tout enlevé, putain. Bah, attends, je vais ouvrir un truc pour voir. Non, parce que là. Attends, tiens, il y a un truc là. Ah, ça y est, ils sont revenus là. Ils sont revenus les petits curseurs. Enfin bon, le problème c'est que c'est revenu comme avant, mais je sais pas comment, et ça m'énerve. Alors j'essaye de boucler un truc sur 120 avec un synthé pour voir si j'arrive après. Alors j'essaye de boucler, hein, je me